Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Oscar Duchemin. Je parcours le monde en van avec ma famille. En ce moment, on est en Russie. Et vous savez ce qu'il y a de génial avec ce pays ? C'est que c'est une terre de contes et de légendes. Et chaque mardi d'octobre, je vais vous en raconter une. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende de Mishka et du renard. Renard vivait dans un terrier, à côté duquel se dressait une grotte énorme, dans laquelle vivait un ours, qui s'appelait Mishka. Un beau jour, Renard vint lui rendre visite. « Mishka, j'ai quelque chose à te proposer. »« Je te connais, espèce de rusé. C'est encore une idée pour te moquer. » « Ce n'est pas très sympathique de penser cela de moi. Quel intérêt aurais-je à me moquer ? Tu es si fort que si je te faisais du tort, tu n'aurais aucun mal à te venger. » Mishka fronça les sourcils en se dandinant. Il pensa très fort et jugea que le renard disait la vérité. Le canidé poursuivit. « Avec ta force et ma ruse, nous pourrions faire fortune en un rien de temps. Il y a un champ abandonné tout près d'ici. Désherbons-le, labourons-le et semons-y des graines. Le moment venu, nous nous partagerons la récolte et chacun de nous vendra sa part au marché. » « Tu es sûr que tu ne vas pas me rouler dans la farine ?»« Allons, Mishka, nous sommes voisins. » Jamais je ne te tromperai. Et pour te le prouver, c'est toi qui choisiras en premier la partie de la récolte que tu préfères. Je prendrai l'autre, sans rien dire. Qu'en penses-tu ? Que cela me semble tout à fait honnête. Et donc, Mishka et Renard labourèrent le champ. Enfin, l'ours, si costaud, s'attela à la charrue et la tracta. Renard, lui, trottinait à ses côtés et le dirigeait. Tu lambines ! Va donc plus vite, sinon on ne pourra jamais faire pousser quoi que ce soit avant l'hiver. Ah, mais pourquoi donc ai-je voulu m'associer avec toi ? Piqué au vif, Mishka redoubla d'efforts et ils semèrent bientôt des pommes de terre. Le champ ne tarda pas à se remplir de fines tiges vertes feuillues sous lesquelles avaient gonflé de gros tubercules. Eh bien, que choisis-tu, Mishka ? Les tiges ou les tubercules ? L'ours pensa. Je ne suis pas idiot. Je ne veux pas prendre ces grosses boules cabossées toutes sales. Personne n'en voudra jamais. Il se dépêcha de cueillir ce que l'on appelle les fans, qui dépassaient de terre. Renard, lui, déterra les tubercules. Puis ils partirent au marché. Et Mishka ne vendit pas une tige, pendant que Renard écoula tout son stock de patates. L'ours aurait pu se fâcher, mais bien au contraire. Au printemps suivant, il vint tout sourire voir son voisin pour lui proposer de s'associer à nouveau. Il choisirait encore sa part en premier. Renard accepta, sans broncher. Mishka laboura du mieux qu'il put, tandis que son ami lui reprochait de traîner. Ils semèrent du blé. Une fois mûrs, ils se partagèrent la récolte. Mishka avait retenu la leçon et voulut cette fois récolter le dessous. « Tu ne pourras pas dire que je t'ai forcé. Je me contente de ce qu'il reste. » Renard faucha le blé et battit le grain. Mishka, lui, déterra les racines. Au marché, tout le monde se moquait de lui. Et vexé comme un pou, Mishka se rua sur Renard et le défia sur un concours de grognement. Le vainqueur pourrait dévorer l'autre. L'ours, confiant, gonfla sa poitrine, ouvrit si grand sa gueule qu'il ferma les yeux. Il lança un hurlement si puissant que la terre trembla et la tête lui tourna. Renard profita de sa confusion et se sauva. Et aujourd'hui encore, personne n'a réussi à l'attraper. Cette légende, c'est juste un tout petit bout de la culture russe. Si vous voulez en savoir plus sur la Russie, on a écrit un carnet de voyage avec mes parents et ma sœur. On y parle de nos rencontres avec ses habitants, de leurs coutumes, des animaux, des monuments. Vous pourrez même apprendre quelques mots de russe. Il y a aussi des jeux, et on a glissé des tas d'autocollants. Rendez-vous sur lesminimondes.fr, les mini, M-I-N-I, monde au pluriel, .fr. Pour en savoir plus et le commander. Plus de design, plus de technologie, plus de confort. En ce moment, pendant les journées Audi All Access, bénéficiez de 2500 euros d'équipement offert sur votre Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5. Plus d'Audi, plus de rêves. Configurez votre nouvelle Audi sur Audi.fr. Offre non cumulable sur Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5 neuf dans le réseau Audi participant jusqu'au 31 décembre 2020. Conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.